échantillon croisé. Je te ralentis avant même que tu démarres. Par la fenêtre tu t'écales, si je peux naître dans la salle. Pas de nouvelles, balance les faux dans la poubelle. Si leur clapet est ouvert, qu'ils avalent mes couilles pleines. Okay. Le couplet t'a pointé, moi qui coupe l'entente en straight. Tu voulais que je me taise et te demande ton aide. Mais NEH 3 lettres, laissez pas d'escroquer. Non. Tu vas gratter ma part, mais tu vas le regretter. 82 stylos dream sur le terrain qui nous prime. Qui me sublime, qui supprime. Les écuries vraiment chiment. Trop tu dans la machine, au punchline assassine. Dans le regard à l'usine, que les Yanclars hallucinent. Par ici pour la tison, pushons pas gratis. Sur leur criard et la pulsion, sévère et la punition. Dégâts et des flagrations dans tes caissons. Pose pas trop de questions.